Ils partent en se culbutant. Cris et tumulte. Ils approchent! Ils approchent! Le premier perd du terrain. Non, il regagne maintenant. Oh, il perd, il perd. Fini, c'est l'autre. Celui qui était deuxième arrive le premier. Vive Michel Fedorovitch! Vive Michel Fedorovitch! Ah, sire, je ne sais vraiment comment remercier votre majesté. Oh, mon cher ami, mais ce n'est rien. Emporte ta caisse chez toi, Michel. Et vous, partagez-vous cette autre. Prenez une pièce chacun, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vive Michel Fedorovitch! Vive le Père Ubu! Et vous, mes amis, venez dîner. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du palais. Veuillez faire honneur à ma table. Entrons! Vive le Père Ubu! Le plus noble des souverains! Ils entrent dans le palais. On entend le bruit de l'orgie qui se prolonge jusqu'au lendemain. La toile tombe. Fin du deuxième acte. Thank you.